on en a plein pas, se voit dans tous ces états. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre, on te reconnaît pas. Pourquoi tu fais ça avec moi, je ne le sais pas. Et quand on te voit, tu fais comme si on se connaît pas. On en a plein pas, se voit dans tous ces états. À chaque fois que je passe dans le check, elle est képi en vélo. Bienvenue dans le ghetto, je suis tes beaux dans le bédo. J'en ai à dire des choses, on se bat tous pour des codes. On fume tellement qu'on oublie tout ce qu'on décolle. On se rabaisse comme des cons alors que tout le monde connaît. On sait qui s'est capé la pute, on sait qui a déconné. On sait qui est présent dans les têtes, présent quand ça va moulonner. À force de dire que t'es le king, tu vas te faire détrôner. C'est pas le faux détrôler, t'inquiète pas ce contrôle. Il me faut les love et love et obligé d'innover au sud ou dans la grove. Si je te critiquais, tu le serais. Il est sincère mon sourire, mais en ce moment il se fait rare comme la petite souris. Je me rappelle quand on tournait en danse dans une caisse éclatée. En cachant BRM, maintenant les profs ils sont épatés. Football, pas qu'à rater, les soucis m'ont pas raté. Je peux plus sortir en match du t'avais qu'à pas rapper. Je suis bien solo moi, ma carrière j'ai bâti. J'ai grandi dans le quartier qu'on me parle pas d'Illuminati. J'ai vu des géants tomber face à la tête d'une Illuminati. Tu fais le mec à des sous, mais ta mère faut pas remplir son caddie. Je suis toujours vrai parce que j'aurais honte de mentir. J'ai confiance en Dieu, je le remercie pas assez quand je mentir. Je fais pas esprit d'être gentil, je veux pas qu'on croit que je suis un bandit. Soit disant le temps passe, tout s'efface, moi je dis t'oublie rien quand tu. Je veux les billets jusqu'au centime, je veux la baiser pas de sentiment. Frérot appelle le 18, Thomas et fait un incendie. Dans la cabine c'est danger, je passe sous heures de ganja. Pendant que les petits font des cambus, craignent les murs comme des ninjas. Assis ou chicha, t'as chiche ou t'as pas chiche. Au grand micro t'es fiché, c'est chaud pour toi ma biche. Doudoudoule, posez-moi, cherche pas la merde donc laissez-moi. Eh ouais c'est nul, t'as rien fait mais la juge elle t'a mis 6 mois. Va vite dis-moi, franchement ils m'ont vraiment blessé. C'est moi, tu sais que c'est mort, tu m'as trop bien trahi. Je peux dire que c'est beau, écoute quand c'est gaineux. Tu sais que des gamètes, regarde t'as des gaineux. Tu n'es qu'un des gamètes, c'est le sang de la veine. Fais tourner la haine neuse, bois pour oublier. Faut que j'évacue ma peine et ma haine. Dégoûté quand la vie te prend pour un sac de frappe. Je me dis que c'est la vie si je la perds sur un accident que je frappe. J'arrive mon photo, je te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça avec moi, je ne sais pas. Et quand on se voit, tu fais comme si on se connaît pas. Oh non, ne pleure pas, je te vois dans tous tes états. Qu'est-ce qui t'arrive mon photo, je te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça avec moi, je ne sais pas. Et quand on se voit, tu fais comme si on se connaît pas. Oh non, ne pleure pas, je te vois dans tous tes états. Qu'est-ce qui t'arrive mon photo, je te reconnais pas. Quand tu fais ça avec moi, je ne sais pas. Et quand on se voit, tu fais comme si on se connaît pas. Oh non, ne pleure pas, je te vois dans tous tes états. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote, je te reconnais pas. Pourquoi tu fais ça avec moi, je ne sais pas. Et quand on se voit,